comme la sauce blanche et les pâtes de charlie. S'il te plaît, laisse charler. Qu'on entende la basse bien grasse, ouais ça le fait. Amoureux des décibels, je resterai. J'pose la mélodie calmement, un jour j'percerai. C'était juste un 16, j'suis en manque de pèse. Mon compte à 0 à 7, lol, j'reste à l'aise. J'suis un chien d'un speed, bienvenue parmi les nerfs, ouais comme tout psy. Entends mes mots, mes rires et mes larmes, mes rimes sont ma tristesse. Entends mes mots, mes rires et mes larmes, mon orgueil ma faiblesse. Entends mes mots, mes rires et mes larmes, ma plume, ma force et ma flamme. Entends mes mots, mes rires et mes larmes, le R.A.P. c'est mon arme. Chapitre 6.